0, 1, 2. Le petit discours de la fin. En fait, je voulais seulement faire un petit speech, mais en réalité, ce petit message, il est bien plus important que tous ceux que j'ai tant événements de faire passer jusqu'à maintenant. J'ai pas envie de me faire chier à écrire une chanson avec des rimes et un refrain, parce qu'il n'y a pas besoin de toute cette déco, toute cette diablotte pour faire un morceau de qualité. Mais toi, forcément, t'écouteras pas ce machin jusqu'au bout parce que tu trouves pas ça divertissant. Et pourtant, c'est sûrement la chanson la moins conne de ce putain d'album. Et puis peut-être parce que tu trouves aussi mes chansons rigolotes, alors qu'elles parlent essentiellement de haine, de déception et de dégoût de la nature humaine. En fait, t'as rien compris. Du coup, on s'enferme, tu vois, quand c'est comme ça, on s'enferme dans un milieu où tout est beau et rose, où l'on finit par être persuadé d'appartenir à une philosophie de la vie. Alors qu'en fait, on est inutile et complètement impuissant. Voilà pourquoi j'ai appelé cet album Incitation à la haine. Parce que la haine, non seulement c'est pas constructif, mais ça pourrit ton cerveau. Alors tu finis par te replier sur toi-même et te défoncer les mouilles pour oublier que même toi tu te détestes. Hein, hey, qu'est-ce que t'as cru? Y'a rien, tu peux tout remonter. Fais chier, quoi. Après on dit que la musique c'est un bon moyen de véhiculer des idées. Mais moi tout ce que j'ai pu faire passer comme message, c'est les trucs faciles, utopistes, sans intérêt, voire complètement bidon. Toutes des choses qui seront sorties de la tête 5 minutes après les avoir écoutées. Eh ouais, parce que toi t'es pas une exception. Tant que tu trouves ton bonheur, le reste t'en as rien à carrer de ta petite vie d'égoïste. Et à vrai dire, les exceptions y'en a pas. Et ça c'est encore une bonne raison d'avoir la haine. On a toujours tendance à vouloir tout savoir. Eh bien c'est ce qui nous fait avancer soi-disant. Puis quand la réalité vous tombe sur la gueule, on fait le possible pour l'oublier, pour s'évader. Fais chier, hein, des statues. Et pour conclure, je pense encore continuer à chanter mes conneries. Parce qu'au final, c'est comme se mettre la race, ça sert à rien. Mais ça fait un putain de bien.